Chapitre 5e. Un consul sans pareil. L'intendant de cette opulente demeure, le chef des écuries et l'architecte Labéo, accoururent à la rencontre de l'empereur dans l'atrium que remplissait sa suite nombreuse. Qu'on me conduise vers un citatus, dit-il brièvement. On se dirigea vers l'écurie d'Apollon revêtue dans toute sa hauteur de parois de marbre blanc et ornée d'une statue d'airain, d'épone, d'aise des chevaux. Le jour, habilement ménagé pour entretenir la fraîcheur, n'y laissait pénétrer qu'un timide rayon de soleil. Une chaîne dorée servait de barrière au noble enfant de l'Arabie qui, au moment où l'empereur entra, foulait aux pieds une abondante litière. Ses formes gracieuses étaient cachées sous le luxe inutile d'une housse de pourpre de Byzance à franges d'or et un collier de perles orientales du plus haut prix ornait son cou. Du râtelier d'ivoire, soutenu par des cariatides d'argent, débordait un fourrage odorant et dans l'auge de marbre de Paros restaient encore quelques grains d'une orge choisie. Aidé d'un deuxième esclave, le fidèle Sakal polissait avec soin les divers ustensiles qui venaient de servir à la toilette du maître de la maison. « Voyez quel noble animal! Quels membres admirables! De quelle gracieuse souplesse la douée la nature !» dirent à l'envi les courtisans qui avaient pénétré dans l'écurie. Ce début flatteur ne parut pas déplaire à Caligula. « Salut, incitatus, s'écria-t-il à son tour. « Salut, fils du désert, vainqueur sans rival sur les hippodromes les plus renommés de la cité. Ta gloire ajoute un éclat insolite au lustre de mon règne, car tu fais l'admiration du monde, et tu as surpassé en prodige tout ce que les dieux avaient permis à ta race de produire de surprenant. Aussi, moi, à qui ils ont déféré une part de leur puissance, je t'élève au rang des hommes parmi lesquels je veux que tu occupes une place distinguée. Telle est ta récompense. Salut donc, pontife illustre de Jupiter Capitolin, et du divin Caius César. Dès aujourd'hui, je t'associe au ministère des prêtres. » Après cette harangue qui annonçait le paroxysme de la démence, César promena son œil vitreux sur l'assistance que la crainte contraignait un silence respectueux. Il rencontra un sourire railleur sur les lèvres seules du chanteur appelé. « Par les tripes de Cerbère, s'écria-t-il en devenant blâme de fureur, quelle est cette insolence est-elle ici par un misérable ver de terre? Qui donc es-tu, vil histrion, devant un citatus qui ferait les délices des dieux, et que Pégase seul a pu animer de son souffle immortel? Oserais-tu, esclave impur, braver la majesté souveraine? Sache bien que si je me résous à t'écraser sous mon pied, comme un reptile immonde, l'harmonie de ta voix s'efforcerait vainement de m'attendrir. » Mais déjà appelé, terrifié, embrassait les genoux du maître qui l'avait offensé. Nul mieux que lui ne connaissait les suites terribles d'une semblable irritation. Plus d'une fois, en effet, Caligula l'avait obligé à marier un chant joyeux aux gémissements de ses victimes, insultant avec ironie l'aimable muse de Virgile, par la cruelle parodie de ce vers « Alternis dicetis, amant alterna camunoe ». La figure suppliante de son chanteur favori rappela sans doute à Caius qu'il ne devait pas briser l'instrument de ses plaisirs. « Relève-toi, » lui dit-il, en le repoussant brutalement. « Je ne t'ai point encore pardonné. » Aux premières paroles de Caligula, incitatus avait secoué sa tête intelligente et dressé une oreille curieuse. Mais soudain il se retourna, approcha ses naseaux de l'auge de marbre et la flaira bruyamment. Puis la trouvant vide, il tira du râtelier quelques tiges de foin qu'il broya lentement. Cette occupation lui parut moins indifférente que la présence de l'auguste empereur. Un signe de Sakal, toutefois, il vint se placer devant Caligula et allongea vers lui sa tête animée par ce doux mais puissant regard qui caractérise le cheval arabe. L'empereur la baisa plusieurs reprises et promenant sa main osseuse sur l'encolure miroitée de l'animal. « Dans l'espace d'une année, lui dit-il, incomparable incitatus, 100 fois tu as fourni la course la plus brillante sur les cirques de Rome et 100 fois tu as eu les honneurs d'un triomphe incontesté. La dignité à laquelle je t'élève suffit-elle à ton mérite? Et ça c'est que le vulgaire se prosterne devant toi? Non, je veux que les plus grands personnages de la ville éternelle s'inclinent en ta présence. Je veux que les soldats de mes cohortes te tendent des honneurs militaires. Sakal, revêt un citatus de sa housse la plus riche. Orne-le de son licol constellé de pierreries et ouvre devant lui la porte de la cour. » Le sourire sarcastique dont Caius accompagnait ces derniers mots imprima à sa physionomie quelque chose d'infernal. à ce langage inouï, Calliste, le plus puissant des affranchis, le seul peut-être, qui eut l'oreille de l'empereur, Calliste, effrayé de tant d'audace et de folie croissante, s'approcha de lui. « Qu'as-tu résolu, César ? » lui dit-il. « Ne crains-tu pas d'irriter les sénateurs et les personnages consulaires qui font partie de ton cortège ?»« Et que t'importe ? » répliqua Caius. « Ton impudence a-t-elle aussi la prétention de m'arracher mes secrets ? Et s'il me plaît à moi d'élever mon cheval au-dessus de toute cette race humaine que je déteste et que je méprise, n'en suis-je pas le maître ? D'ailleurs, est-il dans la compagnie du Sénat un seul personnage de mœurs aussi irréprochable qu'Incitatus ? J'en appelle à ta franchise. » L'argument parut victorieux à Calliste, car il le laissa sans réponse. Cependant, Caligula, suivi d'Incitatus, avait rejoint la foule qui se pressait dans les diverses parties de l'atrium et qui contemplait l'élégance de cette somptueuse habitation. Aussitôt, il se forma un cercle autour du cheval et un nouveau murmure d'admiration se fit entendre, mais les héros invitèrent au silence. L'empereur voulait parler. Patriciens et chevaliers, soldats et citoyens romains, s'écria-t-il de cette voix vibrante qui tonnait dans le Sénat, soyez juges comme au jour des comices dans la question que je vais agiter devant vous. Vous avez été témoins des triomphes d'Incitatus et vous les avez justement applaudis. Jamais la honte d'une défaite a-t-elle terni sa carrière victorieuse ? Et ici Caligula promena sur ses auditeurs un long regard empreint d'une confiance et d'une satisfaction profonde. « Jamais, César ! » cria la foule. Quand Alexandre a élevé une ville à la mémoire de Bucéphale, « Est-ce assez, reprit-il, que le nom d'Incitatus revive sur le marbre comme celui d'un vulgaire vainqueur ? Est-ce même assez que le bronze immortel de son image perpétue dans le champ de Mars ou sur la voie appienne le souvenir de sa gloire ? Ce n'est pas assez, César, répondit encore la multitude, qui avait conçu pour ce héros des cirques une admiration frénétique. Ai-je raison de proclamer qu'il s'élève au-dessus de sa race par ses insignes qualités, comme moi je m'élève par ma céleste origine au-dessus du reste des humains ? Certes, César. Alors vous m'approuvez dans le dessein que j'ai formé de lui décerner les honneurs extraordinaires. César, tu es le maître. Ces suffrages unanimes satisfont mes vœux les plus chers en ce qui sont l'écho de l'opinion de Rome entière, reprit Caligula, auquel suffisait ce semblant de l'égalité. Illustre Incitatus, qu'au prochain calende de janvier ton nom soit donc inscrit en tête des fastes de l'année. Dès aujourd'hui, je te confère la dignité de consul. Et maintenant, soldats, prenez les armes, lecteurs, saisissez vos faisceaux. Venez faire cortège au nouveau magistrat de la cité. Pour vous, patriciens, chevaliers et citoyens, le consul vous admet à lui rendre hommage. » Il était impossible de flageller plus la vanité de ces hommes qui prétendaient à la domination du monde, et cette décision insensée tomba comme la foudre au milieu de l'assemblée qui parut anéantie. On était loin de s'attendre à ce perfide dénouement. Malgré toutes les extravagances auxquelles l'héritier de César avait accoutumé Rome et les provinces. Oh honte ! Les langues restèrent paralysées chez ces Romains de la décadence, abrutis par la peur ou par la corruption. Nul n'avait protesté contre le pontificat à cheval. Pourquoi donc se serait-il élevé une voix contre ce nouveau caprice d'un despote sans entrailles ? Quelques-uns feignirent d'envisager le côté plaisant de cette absurde comédie. Et l'on entendit sortir des applaudissements du sein de la foule. Mais un sourd orage gronda dans les cœurs. Ce mépris affecté pour la majesté du peuple roi, cette indigne prostitution d'une magistrature révérée pendant plusieurs siècles de gloire, révoltèrent l'orgueil assoupi de quelques patriciens ou plébéiens. On vit une larme de rage briller dans les yeux de Chéréa, et l'on peut dire que ce jour précipita la mort du tyran, déjà résolu dans certains esprits. Le sénateur vénitien, au risque d'encourir la haine de Caius, faillit se soulever sur le champ contre cet insultant arbitraire. Se tournant vers Valerius Asiaticus, personnage consulaire, qui paraissait jouir de la faveur du prince, « Par Jupiter, dit-il, notre divin empereur franchit la limite de la puissance la plus dictatoriale. Sommes-nous donc, à ses yeux, dignes de figurer tout au plus dans ses étables ? Quoi, je m'inclinerai devant son cheval ? plutôt le supplice le plus honteux. « Saluons, répondit froidement Valérius, saluons, Vénitien, et ajournons la vengeance. » En apprenant jusqu'à quel degré d'abjection cet homme a exigé que des citoyens s'avilissent, Rome entière pourra se réveiller de sa torpeur et souhaitera du moins un autre maître. Saluons donc, l'avenir mérite bien ce salut. Alors on vit le spectacle le plus ridicule qu'il ait été donné à l'humanité de contempler et l'exemple de la plus basse servilité. À la voix d'un maître impitoyable, les lictors, armés des faisceaux consulaires, entourèrent Incitatus. Les centuries se formèrent de chaque côté de l'atrium, les instruments retentirent, et comme au jour où le peuple apportait les étrennes à l'empereur, cette foule défila et s'inclina devant un cheval. Mais pourquoi s'étonner? N'avons-nous pas vu le peuple, précédé par les sénateurs et les magistrats, rendre dans le Capitole leurs hommages à la chaise curule d'Auguste absent? L'empereur était sur le point de se retirer avec son cheval dans les jardins, lorsqu'il avisa le tribun des cohortes, Cassius Chaerea, auquel les fonctions de son grade avaient offert la facilité de demeurer parmi les soldats. Il s'était ainsi abstenu de rendre un humiliant hommage au magistrat quadrupède. « Chaerea, lui cria le despote vindicatif, viens prendre mes ordres. » Le tribun s'approcha en silence et porta sa main droite à sa bouche, suivant la forme accoutumée du salut. « Tu n'ignores pas, continua Caius, que mon cheval paraît après-demain dans le cirque Flaminius. As-tu songé à exécuter mes ordres pour assurer son repos demain et pour éloigner de ses oreilles jusqu'aux bruits indiscrets de la rue? J'ai songé, César. Et de quelle façon, dis-moi? J'ai ordonné au centurion de service de lui envoyer, suivant l'habitude, une garde de 12 astas. Est-ce le vin des tavernes, des Thermopoles, qui te trouble la raison, mon ami Chaerea? 12 astas pour la garde d'un consul. Je veux que demain une centurie de astas, de princes et de trières, veille sur la personne respectée d'Incitatus et qu'un officier la commande. Un sous-centurion? Non pas un sous-centurion, ni même un centurion, mais un tribun. Digne en tout de cet honneur, mon ami Chaerea, et ce tribun, ce sera toi. À ces mots, le vieux Cassius releva sa tête blanchie par les fatigues de la guerre, et présentant avec dignité son glaive à l'empereur. Prends mon épée, César, dispose du sang qui me reste encore, mais que la pitié t'inspire en faveur d'un vétéran qui a usé sa vie au service de la patrie. Et comme le prince restait impassible, oublies-tu, César, continua Chaerea, la main tendue vers lui et l'œil brillant d'une noble fierté, oublies-tu la gloire acquise par ce bras courageux pendant mes longues campagnes? Oublies-tu alors que, chaussé de la bottine militaire, tu suivais, petit enfant, nos légions victorieuses en Germanie? Oublies-tu que je veillais moi-même devant la tente et sur les personnes augustes de ton père et de ta mère révérées? Et maintenant il me faudrait, moi, tribun des cohortes, au déclin d'une carrière que nulle honte n'a ternie, devenir le propre gardien du cheval. Par les cendres aimées de ton père Germanicus César, épargne cette humiliation à mes derniers jours. Par le salut d'Incitatus, Chaerea, tu outrages en ce moment la discipline militaire, qui défend aux soldats de plaider sa cause hors du camp et loin de ses enseignes, et tu oublies toi-même que toute fonction s'ennoblit par l'obéissance. Or, je suis ton général, et ce général est inflexible. Va !» Et sans attendre de réponse, Caligula se tourna vers les affranchis qui se pressaient autour de lui. « Hélicon, dit-il, renvoie cette multitude inutile, et retirons-nous en petit nombre sous les ombrages frais des jardins d'Incitatus. » Il faut que celui-ci consacre avec nous cette journée au plaisir de l'existence. Je veux mes baladins et mes danseurs d'Arcaïe. Je veux une troupe lascive de gracieuses courtisanes, couronnées de pampres et vêtues de gaze. Nous verrons s'entretuer des gladiateurs et grimacer de grotesques mimes. Nous brûlerons des juifs et des chrétiens face à face. Comme ils se haïssent, ils se réjouiront mutuellement de leurs lamentations, si habilement combinées. Puis interpellant l'intendant des vivres, « Turanius, ce soir, l'empereur soupera chez Incitatus. En attendant, envoie-nous des amphores de falerne consulaire et de jeunes esclaves aux belles formes pour nous offrir les coupes d'or. Ô Jupiter, dieu caduc, si ta puissance n'est pas une chimère, réserve au moins de longues années. Ta Junon décrépite et ton éternelle ambroisie, délice d'un Olympe suranné, ne valent pas les jouissances du roi de la terre. » Pendant que tout était tumulte et désordre, au-dedans, tout était silence et repos au dehors. À la première heure de la nuit, Une centurie des cohortes urbaines s'était emparée des issues qui conduisaient aux voies d'alentour, et nul dans la cité n'eût osé troubler le sommeil du cheval de l'empereur. C'est à peine si le pas des sentinelles vigilantes interrompait le calme de la rue. Fidèle à la discipline militaire, Chéréa commandait cette troupe, mais il méditait. Il y avait en effet de vastes mais tristes sujets de réflexion dans cette grande déchéance de l'Empire, livrée à la merci d'un monstre sans frein, dans la servilité des pouvoirs pondérateurs, dans la dégradation des âmes corrompues par tous les vices, dans l'abaissement systématique de la majesté romaine, enfin dans cette barbarie révoltante d'un prince insultant à la loi et changeant son rôle de père contre celui de bourreau des citoyens.